veut voyager dans sa tête ou bien dans ses poches. Quand il met les mains dedans, et ben mon pote c'est toujours le désert. Il veut une place au vert, au pays des billets mauves. C'est son but, sois pas choqué par sa cause. Des caravanes aux pirogues, le bif est une drogue. La veuve noire a mis une putain de grande robe. Quand tu bouges à l'étranger, tu vas en bateau. Certains prennent deux rondins de bois pour faire un radeau. Gens du voyage, un peu comme les gitans, ne comparent jamais la fierté du sol et celle du sang. C'est mon ego qui danse le flamenco, balancé entre deux terres, le cul entre deux étaux. On est sale et on pue un peu comme eux. On sortira les armes si t'atteins la mif, un peu comme eux. On vient loin du grand bassin, 100 mètres nageur. On fait du bif, pensant à la mif avec l'esprit rageur. Voyage, c'est le paysage qui a changé. Moi je suis toujours le même étranger. J'ai quitté ma terre comme en danger. Traverser ruisseaux, rivières, mer ou océan, espérant que la misère perde mes traces de géant. Zigane, Touareg, la musique aide encore une fois. Gratte ta guitare, frappe ta delbouka. À l'ombre des hommes soumis, traverse la vie comme le Sahara. Un jour nous dûmes nous aussi en règle hors la loi. Nous exporter vers l'inconnu sur un triste rafio ou cravachant les 200 chevaux sans retenue. Cité de mon voyage, sois loyal envers les miens. Respecte ma famille, mon équipe jusqu'à mes chiens. Parce que j'ai que sur ma route on marche ensemble. D'abord parce qu'on se ressent, ensuite parce qu'on se ressemble. Combien de fois encore devrons-nous transporter nos billes afin de l'améliorer, planant ma drive pour prospérer. Hey, Scott!